c'est justement dans le système juif, il y a des conditions pour accepter la preuve de l'écrit. Et donc moi, je me demande, pour ce système caravanier, ça aurait été complètement désastreux, comme tu avais dit, clair que bon, ces gens se déplacent et les témoins sont loin, donc c'est un stumbling block pour l'opération du système si on va se fier aux lois. Et quelque part, des gens, il faut que c'est comme pour l'usure, bien que ce soit interdit. Je parle dans le chapitre 6 là, de tous les stratagèmes pour obvier le fait que c'est, dissimuler le fait que c'est une relation de très bien avec intérêt. On appelle ça via SLM, donc c'est le forward purchase. Donc on dit, ok, je te donne 10 francs pour que tu me rendes l'équivalent de 20 francs au retour de la caravane. Donc ça, c'est l'intérêt qui se fait. Ça aurait été impossible de ne pas l'utiliser. On va t'arrêter pour te donner un... Ouais. De toute façon, on peut continuer à discuter. Hein, ouais. Mais C'est vraiment intéressant. C'est vrai que si on peut essayer d'attraper Jacques pendant que Guylaine est là. Je sais pas s'il est... s'appelle Jacques comment ? Il est là. Beau temps. C'est matin, il est là. Ouais.